Un jour, à l'étonnement de chacun, grand-père fit sa paix avec Siffrein. Puis, après quelque temps, s'inspira cette fois non plus du code, mais de la Bible, notre homme proposa à son aîné d'aller faire un tour dans les champs. Il s'agissait de visiter sur la pente d'un vallon perdu, partout raviné par les pluies, un lambeau de bosquet en litige. L'endroit est sauvage, solitaire. Que s'y passa-t-il? La chose, comme tu vas le comprendre, ne fut pas précisément commode à démêler. On avait vu les deux frères partir ensemble. Le soir, au jour tombant, on vit rentrer grand-père, seul, mais couvert de sang, et soutenant de la main droite son bras gauche, fracassé d'un coup de feu. Il accusait Siffrein du guet-apens, multipliait les détails, racontait la querelle, et comme quoi, le crime commis, Siffrein s'était sauvé, jetant son pistolet dans un buisson. Arrêté immédiatement, Siffrein, de l'entêtement paysan, s'obstinait à un déplorable système de défense. D'après son dire, une fois arrivé au fond du vallon, grand-père aurait sorti un pistolet disant « Il n'y a pas de témoin, c'est le moment de régler nos comptes. » Alors, il s'était enfui, sans regarder en arrière, pendant que grand-père tirait sur qui? Sur lui, Siffrein. Siffrein croyait même avoir entendu siffler la balle. Quant à la blessure de grand-père, il ne se l'expliquait pas. Siffrein, du reste, sentait toujours là, et rien ne put l'en faire démordre. C'était pourtant fort invraisemblable. D'autant plus invraisemblable qu'en outre de la blessure, tout venait confirmer les assertions de grand-père. Le pistolet retrouvé était bien celui de Siffrein. Le papier de la bourre portait son écriture, et la balle avait exactement le calibre de celle qu'il fondait pour la chasse au loup. D'ailleurs, les premiers mots de grand-père, lorsque le ramassa évanoui, avaient été « Siffrein, ah, la canaille, il m'a assassiné !» Et le malade affaibli, dans son lit d'hôpital, au milieu des horribles douleurs que lui causa d'abord l'extraction de la balle et des esquilles de l'os brisé, et plus tard l'amputation, rendue nécessaire par un commencement de gangrène, jamais il ne lui arriva de se contredire.